bisous, bisous. Sentis les voix sous ta main, doudou m'envie. Et puis des bras qu'enveloppent moi, doudou m'envie. L'oxygène qui m'en besoin pour respirer. Sur pas bon moi à tout moment, manquer de tomber. Ou pas besoin qui m'en mandé, doudou ban moi. Pas tant de m'en supplier, doudou ban moi. Pas ni rien dans l'univers, mais y'a qui ça. Qui s'y revient là sous la terre, plus douce qui ça. Marcel Thibault, il peut sauver l'humanité. Et de Thibault, ça peut durer l'éternité. C'est Henri Mac qui peut gérer toute maladie. Ça qui panie en paix gris pour toute la vie. Rêvez vos choix sous ta main, doudou m'envie. Et puis lève-vous sous ta main, doudou m'envie. Pour l'oxygène qui m'a besoin pour respirer. Ces vitamines ou caban moins pour me tiender. C'est magie, c'est plaisir, poésie, c'est chaleur. C'est la lime qui éclaire moi. C'est vertige, c'est frisson, la passion, affection. C'est l'amour qui a chahé moi. C'est soleil dans la vie moins.